deuxième temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de la prostitution au XIXe siècle, à l'occasion de la grande exposition qui vient d'ouvrir sur ce thème au Musée d'Orsay à Paris. Hier, l'historienne Gabrielle Houbre nous a dit combien ce domaine de recherche était en train de se renouveler, en particulier en s'intéressant à tous les types de prostitution. Demain, nous visiterons l'exposition du musée d'Orsay avec les commissaires Marie Robert et Isolde Plouder-Macher. Et aujourd'hui, nous vous proposons une promenade radiophonique proposée par Séverine Yattard et réalisée par Séverine Cassard dans le Paris, capitale de la prostitution au XIXe siècle, en compagnie de Lola González-Quirano, chercheuse à l'École des hautes études en sciences sociales, qui a consacré sa thèse à ce domaine. On va se promener du Palais Royal jusqu'au Grand Boulevard, en passant par les rues qui comportaient certaines maisons de tolérance, parfois de grand luxe, comme la rue Chabanais ou encore la rue Joubert. C'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. Lola González, bonjour, nous sommes avec vous au Palais Royal et nous allons entamer une balade dans le Paris prostitutionnel du 19e siècle. Puisque à cette époque, dans le mythe et la réalité, on va en discuter tout au long de cette balade, Paris va devenir la capitale de l'amour, la ville du vice, même le bordel de l'Europe. Et pourquoi commencer ici au Palais Royal? Parce que en fait, c'est un lieu de la prostitution qui va disparaître peu à peu au 19e siècle. Bon, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire du Palais Royal, mais effectivement, sous l'Ancien Régime et sous la Révolution, c'est le lieu de rencontre entre des femmes légères et vénales et toute une série d'hommes, qu'ils soient bourgeois, aristocrates, commerçants, qui viennent au Palais Royal se délasser, se divertir et faire, j'allais dire, quelques pas en galante compagnie, voire plus y affinité. Le Palais Royal, à cette époque, c'est effectivement un lieu clos, ce qui est sécurisant. La police n'y a pas accès, c'est d'ailleurs ce qui rassure beaucoup. Alors pourquoi la police n'y a pas accès, justement, Lola González? Elle n'y a pas accès car le propriétaire des lieux a décidé qu'effectivement, la police nuisait au commerce et au bon commerce qu'était la prostitution, mais aussi les maisons de jeu, les spectacles pornographiques, les marionnettes érotiques, en sachant qu'effectivement, le Palais Royal appartient à la famille des Orléans, qui, pour des raisons financières, a spéculé sur le Palais Royal et a fait construire, notamment au sud des jardins, des galeries en pierre et une en bois qui accueillent énormément de boutiques. Et ce sont autour de ces boutiques que se concentre l'activité prostitutionnelle de façon extrêmement dense. Des témoignages, notamment romancés par Honoré de Balzac dans « Les illusions perdues », dessine une foule compacte où on a peine à marcher, où on doit s'agripper, où on doit passer, se dégager des femmes qui vous attirent. On a effectivement beaucoup de mal quand on contemple les jardins et les statues aujourd'hui à imaginer un tel confinement et une telle concentration de femmes, mais aussi d'hommes venus à la recherche d'amour léger. Les ondes González, donc la transformation du Palais Royal, enfin notamment ses baraquements en pierre et en bois surtout, vont disparaître vers les années 1820 par décision haussmannienne justement pour une restructuration de la ville et du quartier en particulier. Alors effectivement, on parle des travaux d'Haussmann à partir du Second Empire, hein, puisque s'il est nommé par Louis-Napoléon Bonaparte pour rafraîchir, si je puis dire, Paris. Mais on parle pour les travaux qui ont eu lieu sous la monarchie de Juillet et dans le premier 19e siècle de période pré-haussmannienne. haussmannienne. Ça concerne effectivement la destruction des galeries de bois, mais aussi la rue de Rivoli. Et c'est progressivement, en fait, que l'activité prostitutionnelle va disparaître du Palais Royal. La destruction des galeries, c'est un coup dur, si je puis dire, pour l'activité. La fermeture des maisons de jeu aussi, puisque ça amenait quand même une clientèle, j'allais dire, qui ne regardait pas ses dépenses. Donc, déclin du Palais Royal pour des raisons qui lui appartiennent, et aussi déclin parce qu'il y a une forte concurrence d'autres lieux qui vont se développer à Paris à partir de la monarchie de Juillet. Juste avant de parler justement de ces nouveaux lieux et espaces prostitutionnels, est-ce qu'on peut faire une différenciation ? Est-ce que la prostitution du Palais Royal était une prostitution plus luxe que la prostitution plus populaire qui pouvait se trouver à des périodes plus anciennes, hein, Lola Gonzalez, Palais de la Cité, dans les rues vers l'université par exemple, la Sorbonne, hein, je pense. Alors effectivement, je pense qu'on peut considérer l'émergence, si je puis dire, de la prostitution au Palais Royal comme l'émergence et le développement d'une prostitution entre guillemets bourgeoise par rapport à la courtisanerie qui était affaire de noblesse et par rapport à la prostitution populaire. Alors, bien entendu, il y a des nuances, des frontières, et avant, sous l'Ancien Régime, il y avait le tiers-État, il n'y avait pas cette différence entre couche populaire et couche bourgeoise aussi évidente. Mais effectivement, le Palais Royal est le début de cette différenciation par rapport à la cinquantaine de rues chaudes qui étaient l'armature urbaine, si je puis dire, de la prostitution à Paris sous l'Ancien Régime. Des rues où effectivement les femmes se vendent pour très peu et souvent attendent devant la porte de leur chambre qui se situe au rez-de-chaussée de la rue, des rues entièrement concernées par l'activité prostitutionnelle depuis le Moyen-Âge, avec des noms comme la rue Brismiche, la rue Tirvy ou la rue Poil-au-Con qui est devenue la rue Pélican, qui se trouve un petit peu plus au sud du Palais Royal, qui laisse effectivement peu de doutes quant à leur activité prostitutionnelle, si importante qu'elle en est venue à baptiser la rue. C'est vrai que les travaux d'Alain Corbin ont mis en évidence le fait que dans la première moitié du XIXe siècle, l'activité prostitutionnelle se développe à Paris aussi parce qu'il y a un important nombre de célibataires, notamment migrants, militaires, étudiants, mais aussi tout simplement ouvriers. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, j'allais dire, la fréquentation de Monsieur Tout-le-Monde, qu'il soit marié ou non finalement, notamment au sein de la bourgeoisie, c'est un loisir. Alors c'est un peu aussi le paradoxe de ce 19e siècle, mais nous allons en parler un petit peu tout le long de notre balade. Lola Gonzalez, c'est à la fois donc une société, comme vous dites, ça fait partie de la sociabilité masculine, les relations avec les prostituées, puis en même temps une société aussi assez puribonde. La femme bourgeoise doit rester chez elle, ne pas sortir, elle ne peut pas circuler librement. Par contre, l'homme, lui, voilà, sort et fréquente des prostituées. Et avec ça, donc une société aussi qui se police, puisqu'il y a de nombreuses mesures qui essaient d'arrêter cette prostitution, de la contrôler, de l'encadrer. Il y a aussi tout un fantasme sur l'hygiénisme, les maladies. Voilà, la société est un peu partagée. Mais en même temps, ce qu'on perçoit tout de même, c'est qu'il y a une hausse peut-être de la prostitution ou des lieux de prostitution. Il est très difficile d'avoir des statistiques fiables de la part, au fur et à mesure du siècle, des partisans du système réglementariste, c'est-à-dire l'organisation des maisons closes avec contrôle médical et inscription des prostituées, et les abolitionnistes qui, à cette époque, sont effectivement des gens qui militent pour la fermeture des maisons closes et pas pour l'abolition de la prostitution en général. Par contre, est-ce qu'il y a vraiment hausse du nombre de prostituées ? La réponse est difficile à donner. Une chose est sûre, c'est qu'elle sort du bordel. Ce qu'on voit sur le premier 19e siècle, c'est qu'il y a effectivement le Palais Royal et un important nombre de maisons closes officiellement organisées, où on a environ 200 bordels officiels organisés à Paris. À partir des années 1850 et des débuts donc du Second Empire, leur nombre chute au point qu'à l'aube de la Première Guerre mondiale, il n'y a plus qu'une cinquantaine d'établissements officiels à Paris, et donc en 60 ans, les trois quarts des maisons ont fermé. Et par contre, dans le même laps de temps, le nombre de lieux où existe une activité prostitutionnelle explose littéralement. Que ce soit bal, théâtre, boulevard, maison de rendez-vous, café, café-concert, bain-douche, la liste est longue. La Gonzalez, nous sommes place Saint-Georges dans le 9e arrondissement, donc nous avons remonté dans le Paris du 9e arrondissement, qui est ce Paris à la fois de résidence des prostituées et puis le lieu aussi où il y a de nombreuses maisons closes et également des hôtels particuliers, et notamment nous sommes devant l'hôtel particulier de la Païva, donc un personnage de la courtisanerie, de la prostitution de luxe, pourrait-on dire, très important au 19e siècle. Alors, on se trouve effectivement en place Saint-Georges, qui a été lotie dès 1824 par la belle famille, si je puis dire, d'Adolphe Thiers. Et effectivement, si on a choisi ce lieu, c'est qu'entre Adolphe Thiers, homme politique qui a marqué tout le 19e siècle, et la Païva qui a marqué elle aussi son époque, le contraste était, j'allais dire, finalement assez révélateur du 19e siècle et de son... une hypocrisie à la fois, puisque la vie privée d'Adolphe Thiers est quand même croustillante, et à la fois effectivement de la richesse que permettait la courtisanerie à cette époque, puisqu'on parle souvent des grisettes, des lorettes, et on imagine moins effectivement à quel point les courtisanes et les demi-mondaines de luxe étaient nombreuses et ont marqué l'urbanisme de Paris en se faisant bâtir des hôtels particuliers. La Païva, pour raconter sa vie en quelques mots, son vrai nom est Thérèse Lachman, elle naît à Moscou. On lui fait épouser, ou elle épouse très tôt, un tailleur français, Antoine Villingue. Elle s'enfuit. On la retrouve à Paris, concubine du compositeur et pianiste Henri Hertz. Celui-ci, à un moment, est ruiné, leur liaison se termine. Et là, elle passe quelques années dont on ne sait pas grand-chose. Si ce n'est qu'elle va à Londres, qu'elle accumule très certainement les clients fortunés. Et en 1851, année où elle va occuper cet hôtel particulier, elle épouse le marquis de la Païva, qui lui donne donc son surnom, aristocrate ruiné portugais, donc là encore un échange, j'allais dire, de dot contre particule, comme ça pouvait se faire à l'époque, puisqu'elle le quitte très vite, Et ce mariage est un premier pied, j'allais dire, dans la vie honnête, mais pas totalement, puisqu'elle sera toujours mise à la marge du monde respectable, bien après aussi son mariage somptueux avec le comte Ankel de Donnersmarck, propriétaire de mines d'argent en Allemagne et millionnaire, comme vous pouvez vous en douter. Vous avez voulu coucher avec moi et vous y êtes parvenu en faisant de moi votre femme. Vous m'avez donné votre nom, je me suis acquitté cette nuit. J'ai agi en honnête femme. Je voulais une position, je la tiens. Mais vous, monsieur de Païva, vous n'avez pour femme qu'une putain. Vous ne pouvez la présenter nulle part. Vous ne pouvez recevoir personne. Il est donc nécessaire de nous séparer. Retournez au Portugal. Moi, je demeure ici avec votre nom et je demeure putain. Horace de Vieille Castel. Le 9e arrondissement, c'est effectivement ce contraste entre des hôtels particuliers de luxe et aussi une très forte urbanisation de la prostitution jusqu'en 1860. Ici, nous ne sommes pas dans Paris. Il y a une expression que vous connaissez encore certainement qui s'appelle « essuyer les plâtres ». Quand un appartement est meuf, le plâtre doit sécher et humide. c'était une situation inconfortable et qu'à l'époque, on suspectait à tort ou à raison de causer des miasmes, des vapeurs. Et donc, il n'était pas du tout bien vu, comme aujourd'hui, d'être le premier occupant d'un appartement. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait ? On laissait les prostituées essuyer les plâtres. Et donc, il n'est pas impossible que face à la spéculation immobilière, on a d'abord effectivement rentabilisé au plus vite le quartier en mettant des prostituées pour essuyer les plâtres et qui y sont restées tout au long du 19e, non plus en raison des loyers modérés, mais en raison de la localisation de cet espace par rapport aux deux pôles de la vie parisienne qu'ont été les grands boulevards, puis par la suite Pigalle et Montmartre. Sociologiquement, l'origine des filles n'est pas très différente, qu'elles soient sur les boulevards intérieurs que sur les boulevards extérieurs. Par contre, effectivement, ce qui change, c'est la clientèle. Les grands boulevards, c'est une prostitution, j'allais dire, qui joue la carte du luxe, tandis que sur Montmartre et Pigalle, c'est plus une prostitution qui joue la carte de l'encanaillement. Le public est le même, mais il ne va pas chercher forcément les mêmes choses. Les origines sociologiques, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé justement. Alors, qui sont ces prostituées ? Alors, parce que c'est pas parce qu'elles jouent la prostitution de luxe qu'elles sont issues d'un milieu favorisé. C'est des milieux généralement modestes, pour éviter d'être ouvrières, des couturières. Même sans avoir de statistiques, on voit deux parcours de femmes. Des femmes issues des classes populaires qui commencent à se prostituer tôt et qui sont célibataires, souvent après avoir été ouvrière ou avoir eu un apprentissage, et des femmes qui entrent dans la prostitution, j'allais dire, en étant dès le début des prostituées femmes galantes, donc à un niveau quand même de revenus relativement élevé, et qui, elles, arrivent à la prostitution après s'être mariées et qui peuvent être issues de familles plus bourgeoises. Et là, statistiquement, je pense que le phénomène est plus minoritaire, mais ça montre que la prostitution n'est pas qu'une réponse à une misère économique. Elle est aussi liée aux conditions d'asservissement des femmes et au fait que le mariage est à cette époque une union extrêmement contraignante pour un seul des deux partenaires. Et que certaines femmes de la bourgeoisie ne peuvent pas gérer leurs revenus, ont pu être dépossédées de leur dot, sont avec un mari qui est défaillant, quand il n'est pas totalement absent, disparu ou mort, et en l'absence de formation professionnelle ou de famille, décide de se prostituer. Elle a un père à qui elle dit « Adieu papa, tu viendras frotter chez moi dimanche ». Elle a une mère qui prend son café au lait quotidiennement sur un poêle en fonte. Elle est née avec l'instinct de la truffe, de la cajou, du remise. Elle prend son nom dans un roman taché de graisse. Elle a des cartes en porcelaine, une Leda en plâtre sur sa cheminée, un corset à la paresseuse, assez d'orthographe pour en mettre sur l'adresse d'une lettre. Un appartement à double sortie. Elle a une amie laide. Elle préfère la Guinée à la couronne, le ducat au florin, le carolin à la Rixdal, la pistole à la piastre, le double aigle au dollar, la roupie au fanon, le ridaire à l'escalin, l'impérial au rouble, le sequin au yaremlek, le napoléon à l'écu, l'or à l'argent. Elle ne paye pas son propriétaire. Elle ne paye pas sa couturière. Elle ne paye pas sa crémière. Elle ne paye pas son porteur d'eau. Elle paye sa lingère. Son coiffeur se paye. Elle a un entreteneur qui la paye, un monsieur qui la paye, un vieux monsieur qui la paye, des amis qui la payent et beaucoup d'autres mondes qui la payent encore. Elle a un amant de cœur qui ne la paye pas, mais qui paye chez le parfumeur le vinaigre et les savons. Elle vit le jour avec des gens qui ont une raie au milieu de la tête et l'esprit du journal du matin. Elle s'entend avec la carte des restaurateurs pour aimer les petits pois quand il n'y en a pas encore, et le raisin quand il n'y en a plus. Elle va au Palais Royal dans une baignoire pour rougir à son aise, dit-elle. Elle n'aime pas qu'on la caresse, parce que cela chiffonne sa robe. Elle ne veut pas boire, parce que cela pourrait amener livraison avant paiement. Edmond et Jules de Goncourt, La Lorette, 1853. On ne peut pas comprendre la place de la prostitution dans la peinture et les arts de cette époque sans prendre en compte justement cette proximité spatiale qui faisait que les gens se côtoyaient et se fréquentaient et habitaient dans les mêmes immeubles, par exemple. Rue Saint-Georges, qui n'est pas très loin de cette place, au 43 habitaient Jules et Edmond de Goncourt. Dans le même immeuble habitait la fameuse courtisane Anna des Lions, qui va faire fortune en étant la maîtresse du prince Jérôme Napoléon, mais qui a beaucoup fréquenté des hommes de lettres comme Lambert Thiboust ou Théodore Barrière. Dans cette même rue Saint-Georges, on a aussi Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone, et Gavarni, dont la statue est au centre de la place Saint-Georges et qui est une des personnes qui a mis, j'allais dire, en forme et en dessin, le personnage de la Lorette. La Lorette, c'est cette petite femme de mœurs légères de Paris. Quand on dit Lorette, on pense effectivement à l'église Notre-Dame de Lorette, qui n'est pas très loin d'ici. Et effectivement, le terme de Lorette aurait été inventé par Nestor Roqueplan dans les années 40, à partir de Notre-Dame de Lorette, du fait que effectivement toutes ces femmes légères qui vendaient leurs amours à des clients qui avaient envie, j'allais dire, de ce type de prostitution de luxe, puisque là on n'est pas uniquement dans un besoin sexuel rapidement assouvi, on est avec quelqu'un avec qui on veut passer du temps, une soirée au restaurant, une soirée au bal suivie d'un souper, et on la retrouve dans la fresque de la statue, si vous avez l'occasion de vous déplacer place Saint-Georges, avec un Pierrot, autre figure, j'allais dire, typique de Gavarni et des personnages de Paris qu'il met en scène. Donc la Lorette, effectivement, elle occupe la place Saint-Georges, elle occupe la rue Notre-Dame-de-Lorette, toutes les rues aux alentours, la rue Bréda, qui est l'actuelle rue Henri Monnier. À l'époque, on parle d'ailleurs de quartier Bréda, voire de la descente du quartier Bréda, pour parler des prostituées qui habitent dans le 9e arrondissement et qui vont descendre sur les boulevards le soir. Et quand on regarde les archives de la préfecture de police, on se rend compte que les adresses de domicile des femmes galantes corroborent totalement les récits de la littérature romanesque et qu'effectivement elles sont un nombre incalculable dans la rue Saint-Lazare, la rue Maubeuge, la rue Saint-Georges, la rue Tédegout, et que ces rues concentrent à la fois des domiciles de prostituées, celles-ci pouvant racoler à la fenêtre ou accueillir des gens sur invitation ou en laissant des petites annonces, des maisons de rendez-vous, des bordels clandestins, des bordels officiels, des hôtels meublés ayant quelques chambres de passe, des prostituées habitant à plusieurs dans un domicile. Bref, une concentration, une variété de lieux de prostitution véritablement incroyable. L'été finissait. Un été orageux aux nuits brûlantes. Elles partaient ensemble après le dîner vers 9h. Sur les trottoirs de la rue Notre-Dame-de-Lorette, deux files de femmes rasant les boutiques, les jupons troussés, le nez à terre, se hâtaient vers les boulevards d'un air affairé, sans un coup d'œil aux étalages. C'était la descente affamée du quartier Bréda dans les premières flammes du gaz. Nana et Satin longeaient l'église, prenaient toujours par la rue Le Pelletier. Puis, à 100 mètres du Café Riche, comme elles arrivaient sur le champ de manœuvre, elles rabattaient la queue de leur robe, relevée jusque-là d'une main soigneuse. Et dès lors, risquant la poussière, balayant les trottoirs et roulant la taille, elles s'en allaient à petits pas. Elles ralentissaient encore leur marche lorsqu'elles traversaient le coup de lumière crue d'un grand café. Rengorgées, le rire haut, avec des regards en arrière sur les hommes qui se retournaient, elles étaient chez elles. Nana, Émile Zola. Lola González, nous avons descendu la rue Saint-Georges pour entrer dans la cour d'un immeuble de cette rue où avait été fondé, mis en place le bal Markowski. Pour parler un petit peu de cette effervescence en fait de bal qui émerge justement après la seconde moitié du 19e siècle, avec cette sorte d'engouement pour la danse. Vous parlez de dansomanie hein, dans votre ouvrage. Ça devient voilà un loisir très apprécié en fait de la bourgeoisie hein, et des entre autres. Alors le terme de dansomanie, je le dois à François Gasnot qui a fait un magnifique ouvrage qui s'appelle Guinguette et Lorette et qui montre effectivement à quel point la danse était au début du 19e siècle un loisir populaire qui s'est fait, j'allais dire, phagocyté par les classes bourgeoises et puis par l'aristocratie. Et lui, il parle de dansomanie pour effectivement parler de cette passion qui prend l'ensemble des Parisiens, toutes classes confondues, pour les nouvelles danses que sont la valse, puis effectivement des danses qu'on connaît moins aujourd'hui comme la polka, mais effectivement des danses de couple, ce qui a une importance dans la place que va prendre la prostitution dans les lieux de bal. Et il montre que si au début du 19e siècle, il y a une véritable dansomanie de l'ensemble de la société, la révolution de 1848 va quand même faire une fracture. Les bals perdurent, mais sont de plus en plus socialement différenciés. Il y a des bals populaires et il y a des bals de luxe. Et ces bals de luxe, effectivement, ils se mettent en place surtout dans la seconde moitié du 19e siècle, le modèle étant le jardin Mabille, le bal Mabille, avec débauche de lumière, décors exotiques et orientalistes. Et horaires en soirée, vous dites. Et horaires en soirée. Voilà. Effectivement, ce qui change beaucoup par rapport à un bal champêtre qui était effectivement de jour, puisqu'il fallait la lumière, l'éclairage naturel. Et ces grands bals, effectivement, dans la seconde moitié du 19e siècle, ils sont fréquentés par les hommes. D'une part parce que ces danses, même la valse, sont considérées comme lascives, voire dangereuses. Il y a de très beaux textes, j'allais dire, de médecins qui vous racontent les pires horreurs sur ce que la valse peut faire aux femmes. Et donc ces pauvres hommes, pour ne pas danser seuls et pour pouvoir laisser tranquillement madame à la maison, ils ont recours à des prostituées et à des femmes de luxe pour qui danser n'est pas un problème. Et c'est des lieux de racolage, quoi, du coup, ces bals. C'est des lieux de racolage sollicités par les maîtres à danser quand ils ont des invitations gratuites pour les femmes alors que les entrées sont payantes pour les hommes. On voit bien que le but est quand même de faire venir plus de femmes. Et ils ont aussi recours à des danseuses professionnelles qui sont en général des prostituées, là aussi, mais qui vont gagner une partie de leur cachet en étant rémunéré par le chef de l'établissement et une autre en ayant des clients prestigieux. C'est le cas de Rigolbosch, qui va être appelée la reine du casino. C'est le cas aussi de certaines célébrités chorégraphiques du bal Mabille. Et on voit à quel point, pour un chef d'établissement, c'est très important d'avoir des danseuses qui sont connues et réputées. Ça attire de la clientèle. Et quoi de mieux que la galanterie et des amours princiers pour avoir des danseuses réputées? Vous expliquez aussi, Lola Gonzalez, que les prostituées, donc elles marchent beaucoup, et puis elles changent de lieu au cours de la journée. Alors, certaines prostituées ont des spécificités. Par exemple, une prostituée populaire n'aura pas forcément les vêtements qui lui permettront de se déplacer dans n'importe quel endroit, à n'importe quelle heure de Paris. Certaines femmes ont aussi des spécificités parce qu'elles ont des accointances avec les patrons d'établissement. Ce qu'on appelle les soupeuses, c'est-à-dire les femmes qui racolent exclusivement dans les salles communes des restaurants, ont très souvent cette seule occupation dans la journée. Par contre, il y a effectivement des racoleuses qui passent le début de la soirée en terrasse de café, dans un grand boulevard, pour se rendre au théâtre ou au bal, où là, elles essayent de rencontrer des danseurs. Et si ça ne marche pas, elles peuvent retourner sur les grands boulevards pour aller racoler aux portes d'un restaurant de nuit. Ou alors elle se dirige vers les halles, dernier lieu et le premier lieu de racolage. Et ouvert toute la nuit. Voilà, 24 heures sur 24, mais effectivement, aux premières heures du matin et aux dernières heures de la nuit, c'est le lieu qui concentre l'activité prostitutionnelle de l'ensemble de Paris. À 7 heures, Nana, très tourmentée, n'était guère à la rigolade. Il lui fallait de l'argent. Quand la Tricon n'avait pas besoin d'elle, ce qui arrivait trop souvent, elle ne savait où donner de son corps. Alors c'était avec Satin, des sorties enragées sur le pavé de Paris, dans ce vice d'en bas qui rôde le long des ruelles boueuses sous la clarté trouble du gaz. Nana retourna dans les bastringues de barrières où elle avait fait sauter ses premiers jupons sales. Elle revit les coins noirs des boulevards extérieurs, les bornes sur lesquelles des hommes à 15 ans l'embrassaient lorsque son père la cherchait pour lui enlever le derrière. Toutes deux couraient, faisaient les bals et les cafés d'un quartier, grimpant des escaliers humides de crachats et de bières renversées. Ou bien elles marchaient doucement, elles remontaient les rues, se plantaient debout contre les portes cochères. Satin, qui avait débuté au quartier latin, y conduisit Nana à Bullier et dans les brasseries du boulevard Saint-Michel. Mais les vacances arrivaient, le quartier sentait trop la dèche. Et elles revenaient toujours au grand boulevard. C'est encore là qu'elles avaient le plus de chance, des hauteurs de Montmartre au plateau de l'Observatoire. Elles battaient ainsi la ville entière. Soirée de pluie, ou les bottines séculées, soirées chaudes qui collaient les corsages sur la peau, longues factions, promenades sans fin, bousculades, équerelles, brutalité dernière d'un passant emmené dans quelque garni borgne et redescendant les marches grasses avec des jurons. Le lac Gonzalès, alors nous sommes descendus en direction des grands boulevards et nous sommes en fait rue Joubert parce qu'il y avait une concentration des maisons de tolérance et maisons de rendez-vous dans ces quartiers assez importantes. Pour commencer peut-être, faudrait rappeler un petit peu le système réglementariste et pourquoi ces maisons de tolérance sont à la fois très importantes au 19e et leur quantité va baisser jusqu'à la Première Guerre mondiale en fait. Alors effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les maisons de tolérance déclinent. Les maisons de rendez-vous, c'est un petit peu différent dans le sens où elles n'existaient pas au début. Ce sont des établissements clandestins qui vont être, à la fin du 19e, officialisés par la préfecture de police de Paris. La grande différence, hein, si on peut vraiment en faire, parce que là encore, il y a un règlement, mais on voit qu'il est appliqué vraiment au cas par cas, suivant les établissements parisiens. C'est que dans un bordel officiel, normalement, ce n'est pas vrai pour les établissements de luxe, il doit y avoir des signes distinctifs qui le rendent reconnaissable depuis la rue. Donc des fenêtres teintées, qu'on ne puisse rien voir, les volets fermés, les persiennes fermées, un gros numéro, quand je dis un gros numéro, c'est un numéro qui peut faire 20 à 40 cm, une lanterne rouge, c'est pas uniquement un stéréotype. Tandis qu'une maison de rendez-vous, c'est souvent un appartement qui ne se présente pas comme un bordel, ni comme un bordel clandestin, mais qui est soi-disant une couturière qui fait des vêtements sur mesure, une gantière, une masseuse, enfin bref. Des activités qui peuvent s'effectuer, comme on disait à l'époque, en chambre, à domicile, mais qui supposent une clientèle qui viendrait vous rendre visite. Et comment ça se passe? Tout simplement, Émile Zola en donne un exemple dans Nana avec la Tricon, entremetteuse inspirée d'Esther Guimond, une véritable proxénète. La Tricon se rend dans la loge, il me semble que c'est dans sa loge, de Nana. Elle lui dit « Voilà, j'ai un homme pour vous, est-ce que vous serez libre demain après-midi à telle heure? Le prix sera tant. » Et c'est convenu, et à l'heure dite, Nana se rend dans la maison pour y faire son rendez-vous. Ça, c'est quand effectivement l'homme a une envie et une idée précise. Il y a aussi tout simplement le rendez-vous pour homme pressé, c'est-à-dire qu'il y a en général 4 ou 5 femmes, ça c'est dans les grands établissements, qui attendent le client qui arriverait à n'importe quelle heure, en sachant que la maison de rendez-vous ouvre dans l'après-midi et se ferme effectivement généralement avant minuit. Et là, soit l'homme choisit en regardant les femmes qui sont présentes dans le salon, soit effectivement il y a un catalogue de photographies qui lui permet éventuellement de faire son choix. Les femmes qui attendent quotidiennement en maison de rendez-vous sont appelées les plats du jour, inspirées par l'idée même du plat du jour, c'est-à-dire le plat qui se renouvelle tous les jours et qu'on change régulièrement pour l'habituer. Jeudi dernier, à 2h, M. Posneau, associé des frères Alphen, était chez une proxénète de la rue de la Chaussée-d'Antin, à laquelle il demanda une femme portant de riches toilettes. On lui fit voir le portrait de Miss Blackford, Fanny Lear. Comme on lui faisait remarquer que cette femme ne se déplaçait pas à moins de 25 louis, il a répondu qu'il ne regardait pas à l'argent. Aussitôt, la proxénète s'empressa de monter chez cette femme galante, et celle-ci l'a reçue au moment où elle se disposait à monter en voiture avec une grande femme blonde, son amie. Mais la proxénète lui ayant expliqué le motif de sa visite, Miss Phoenix lui répondit: « Pour 25 louis, je peux bien retarder ma promenade d'un instant, car c'est si vite fait. » Archives de la préfecture de police à propos des maisons de rendez-vous. Il semblerait qu'un bordel de luxe existe dans la rue Joubert depuis avant la Révolution. Ça aurait été le bordel de la soi-disant comtesse de Steinville. Peut-être que le 4 rue Joubert, qui est l'établissement célèbre du Second Empire, est au même endroit. Les Gancourt en font une description, je dois dire, extrêmement négative. Je les soupçonne néanmoins d'être extrêmement critiques parce que le 4 rue Joubert reste dans les guides touristiques de Paris comme un des établissements et un des bordels les plus luxueux jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il y a l'entrée avec les salons de réception, les chambres qui, dans la plupart des bordels de luxe, ont un thème. Il y a la chambre russe, la chambre japonaise, une chambre qui peut être spécialisée dans les pratiques sadomasochistes, des chambres où les filles dorment, des cabinets pour les affaires, qu'on suppose accessoires, lingerie, etc., et des cuisines qui, bizarrement, sont en haut de l'immeuble et non en bas. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de prostitution de rue ? Non, il y a totalement un mélange. Et ce qui m'a fait vous faire venir, si je puis dire, dans la rue Joubert, c'est parce qu'on est juste derrière les boulevards. Et ce qui est peut-être le plus caractéristique de la prostitution telle qu'elle se transforme au 19e, c'est cette division entre lieu de racolage et lieu de prostitution. Je parlerai même d'haussmanisation de la prostitution en disant qu'effectivement, on a la séparation entre l'espace de ce qui est visible, de ce qui est montré, et l'espace de ce qui est caché, l'espace de la sexualité. La prostitution, finalement, se divise comme l'ensemble des activités humaines. On a le lieu de racolage sur le grand boulevard, et le lieu de prostitution qui se retrouve dans une petite rue derrière et dans un hôtel meublé. On a aussi le grand boulevard de commerce et le quartier industriel du centre. La vitrine et la belle boutique achalandée du magasin avec l'arrière-boutique où on produit. La salle à manger de l'appartement bourgeois avec la petite cuisine qui donne dans la cour. Ce que vous dites aussi, Lola Gonzalez, c'est que désormais, les prostituées vont vers le client. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que la police, ça panique aussi une part de la société, j'imagine, cette nouvelle attitude. Effectivement, je pense que les prostituées ont pu toujours chercher à solliciter chez le client. Mais, comme je vous l'expliquais en début d'émission, avant, on avait une cinquantaine de rues chaudes entièrement consacrées à cette activité. Alors que là, effectivement, on a des quartiers qui ne sont pas forcément spécialisés sur la prostitution. Les grands boulevards, c'est d'abord un quartier de loisirs, de commerce, d'activités financières, qui, effectivement, va se faire envahir, entre guillemets, surtout à la tombée de la nuit, par les prostituées. Et on a vraiment une division, là aussi, de l'espace entre des familles, des couples, et une activité prostitutionnelle. Et en fait, les gens font semblant de ne pas se voir. C'est comme si on avait deux mondes qui coexistaient perpétuellement dans le même espace. En sachant que les hommes naviguent entre les deux mondes, et les femmes, par contre, sont obligées d'être dans l'un ou dans l'autre. La ville est une ville haussmannienne, c'est une ville moderne, mais c'est aussi une ville en termes de genre qui émerge, où la femme ne peut pas aller n'importe où, ni être habillée n'importe comment, et est sans cesse obligée de signifier sa respectabilité ou non dans l'espace public. Lola Gonzalez, nous sommes maintenant au Théâtre des Bouffes Parisiens, dans le quartier des Grands Boulevards, rue de Monsigny, dans le 2e arrondissement de Paris. Donc l'entrée est assez majestueuse, il y a aussi une plaque qui explique que Jacques Offenbach a inauguré ce théâtre en 1855. Alors c'est important en fait le théâtre. Effectivement, avant de parler du théâtre comme lieu de prostitution, rappelons que le théâtre est un des lieux de loisirs, si ce n'est le premier lieu de loisirs pour pratiquement l'ensemble des Parisiens de cette époque. Et pour parler de la prostitution dans ces lieux, je dirais que la place de la prostitution dans les lieux suit la hiérarchie de genre et de réputation des établissements. Les théâtres les plus prestigieux de cette époque sont le théâtre des Italiens et l'opéra. Au fur et à mesure du 19e siècle, d'autres émergent, notamment l'Odéon pour les fractions intellectuelles. Et au sommet donc de cette hiérarchie des théâtres, on a la comédie et les Italiens, des théâtres où la prostitution est peu présente, si ce n'est en coulisses. Elle fait partie de la vie privée des actrices. Ces dames sont les maîtresses des grands hommes politiques de l'époque, qu'ils soient princes, ambassadeurs, banquiers, etc. Ensuite, on a ce qu'on appelle les théâtres de boulevard et les petits théâtres, dont les bouffes parisiens font partie, mais avec le Châtelet, le Vaudeville, le Gymnase, le Théâtre des Variétés, où là, j'allais dire, la prostitution est effectivement affaire de foyer, elle est aussi affaire de scène. On a des spectacles qui déjà font beaucoup plus allusion à la prostitution, et la prostitution leur contemporaine d'ailleurs, et des échanges qui peuvent être des clins d'œil. Dans certains petits théâtres comme celui de la Tour d'Auvergne, les clients spectateurs déposent le livret d'une certaine façon sur la rambarde, ce qui indique aux actrices qui jouent sur scène qu'ils sont intéressés. Et après, par un échange de gestes, on peut négocier les tarifs. Notamment dans le théâtre d'Offenbach, les actrices font ce qu'on appelle des cascades, des improvisations, qui souvent rajoutent un contenu fortement érotique, voire grivois, au répertoire. Et étant une improvisation, elle n'a pas pu être enlevée par la censure au préalable. Et ce qu'elles font sur scène participe très clairement de leur activité prostitutionnelle qu'elles vont, si je puis dire, vendre à la ville. Ah, parce que le métier d'actrice, Lola Gonzalez, il faut préciser, enfin, il est aussi très polysémique. Soit ce sont effectivement des comédiennes, de grandes comédiennes, donc qui arrivent à être plus ou moins rémunérées pour leurs prestations, mais la plupart, ça excède à peine un salaire d'une ouvrière ou d'une employée d'un niveau modeste. Donc il y a des prostituées comédiennes et des comédiennes prostituées, enfin. Il y avait deux. Et pour effectivement pour préciser ce que vous dites, même quand on est une grande comédienne, on n'arrête pas forcément de se prostituer. Hein. Quand on voit la carrière de Rachel ou les amours de Sarah Bernard, bon, les archives de la police le montrent très bien. Elle a construit son hôtel particulier des Champs-Élysées en faisant des passes tarifées très élevées, alors qu'elle était déjà dans sa gloire théâtrale. Et pour les comédiennes, si je puis dire, sans beaucoup de talent, ou du moins sans beaucoup de rôle à jouer, la prostitution est indispensable pour survivre et se nourrir, mais tout simplement pour participer à cette activité théâtrale en elle-même. Il faut coucher pour réussir. Il faut coucher pour réussir, il faut coucher pour acheter ses accessoires et ses vêtements qui sont aux frais des actrices, il faut coucher pour payer la claque, il faut coucher pour avoir une bonne réclame et de très bonnes critiques après les premières. En réalité, c'est toute l'activité théâtrale qui s'appuie sur la prostitution pour pouvoir subsister. La concurrence est très dure entre les théâtres, ils sont très nombreux, les soirées durent très longtemps. Donc on envoie sa maîtresse obtenir des subventions ou des passe-droits auprès du ministère. On fait jouer ce qu'on appelle à l'époque des pièces à femmes, c'est-à-dire des pièces où il y a très peu de scénarios, très peu de jeux, mais par contre des décors et des vêtements somptueux qui sont payés par les actrices. On s'appuie aussi sur la prostitution pour mettre en place des spectacles à grands spectacles, si je puis dire, avec ce qu'on appelle les marcheuses. La marcheuse, au début, c'est la femme qui racole à l'extérieur de la maison de tolérance et qui vante la marchandise à l'intérieur. Et aujourd'hui, marcheuse serait un terme de figurante, en sachant que c'est souvent des femmes ou richement vêtues ou très faiblement vêtues qui paradent sur scène. Et par exemple, quand Jacques Offenbach remet en scène Orphée aux Enfers, grand succès, il jonche littéralement la scène de jolies femmes. Je pense qu'il rajoute une cinquantaine de rôles féminins dénudés à sa pièce. Et ça fonctionne, c'est ce que les gens voient. On va voir des danseuses parce qu'elles lèvent la jambe, on va voir des petites femmes dans des rôles muets ou de composition au théâtre. Valtesse de la Bigne, grande courtisane là aussi, s'est fait connaître en jouant des petits rôles muets ici, au Théâtre des Bouffes parisiens, notamment parce qu'elle est devenue la maîtresse de Jacques Offenbach, ce qui peut aider. Hein. Mais comme on le voit, la prostitution est au cœur de l'activité théâtrale et il n'y a pas des établissements où il n'y en a pas, et des autres qui seraient effectivement de véritables bordels clandestins. à propos de la pièce « Oh là là, qu'est-ce que c'est bête tout ça » jouée au Théâtre des Variétés. La pièce n'est qu'un prétexte pour mettre en scène à chaque acte un salon de bordel. Rien que des pudeurs d'actrices déshabillées à coups de ciseaux, des jupons courts et des corsets de rien. La censure leur a permis de réaliser en tableau vivant toutes les petites obscénités des photographies. Jusqu'à la photographie des blanchisseuses, où l'on peut voir, de celle qui repasse en se baissant, la gorge, comme si on la tenait. Le directeur de cette exhibition est décoré. Entre lui et l'homme qui tient le gros neuf, un tenancier de tolérance, pour nous, il n'y a aucune différence. Les frères Goncourt, 31 décembre 1860. Et là, nous sommes alors dans ce qu'on appelle aujourd'hui le foyer. Donc, c'est le bar, hein, tout de rouge vêtu. Effectivement, une décoration très 19e. Mais alors, le foyer, c'est au 19e siècle. C'est pas ce qu'on appelle le foyer. Le foyer, il est dans la salle de théâtre. Et des rencontres s'établissent entre prostituées et spectateurs. En fait, ce qu'on oublie un petit peu aujourd'hui, c'est que le théâtre n'était pas uniquement un lieu de spectacle. C'était un lieu de sociabilité. Il y a effectivement le foyer des artistes. Par exemple, à l'opéra, les ducs, consorts et autres membres du Jockey Club allaient tenir compagnie aux petites danseuses. Il y a la scène dont j'ai parlé, il y a les loges. Et au XIXe siècle, les salles sont en fer à cheval. C'est-à-dire que l'important, c'est autant de voir ce qu'il y a sur scène que ce qui se passe dans la salle. Et effectivement, les salles sont éclairées pendant la durée des spectacles. Les avant-scènes sont par exemple des places très mal situées pour voir la scène, mais qui par contre sont vues de tous. Elles sont donc choisies par deux clientèles très diverses, chefs d'État, rois, empereurs et hommes politiques, et par les femmes galantes qui ont, j'allais dire, elles, de la marchandise à vendre. Donc effectivement, le théâtre, que ce soit dans les coulisses, sur scène ou dans la salle, est un lieu de prostitution. Qu'elle soit inventée, qu'elle soit fantasmée, qu'elle soit évoquée, mais un lieu de prostitution à part entière et qui fait partie du XIXe siècle. Ah, c'est ainsi. Les comédies de ce siècle vivent de Lorette et de Jean Tarré. On met en scène tous les scandales de la rue et des livres. On défigure la vie, les mœurs, l'honneur, la vertu, sous prétexte de littérature. Ils en sont venus, ces prétendus dramaturges, jusqu'à spéculer sur la réputation scandaleuse de telle ou telle Lorette. Ils mettent en scène son nom, ses toilettes, ses amants, et ils arriveront à lui faire jouer par elle-même, ainsi que cela se pratique au théâtre des délassements comiques, le rôle pour lequel elle aura posé. Edmond Ponceau, Le scandale de Paris, 1861. De ton insolence. Il ne s'agit pas uniquement de raisons économiques pour que la prostitution soit à ce point liée à la vie artistique et littéraire de Paris. On se rend compte qu'il est important pour un client, et notamment pour un client de la bonne société, d'avoir une maîtresse et une femme galante qui soit à la mode, qui fascine ses pairs. L'exemple le plus courant, c'est d'avoir effectivement une femme qui a eu une nuit avec l'empereur sous le Second Empire, mais quand ceci n'est pas possible, on a pour maîtresse une actrice célèbre. Sous la monarchie de Juillet, le théâtre est particulièrement important, et donc les grandes courtisanes sont des actrices. C'est Alice Ozy, par exemple. À la fin de la monarchie de Juillet, et pendant la Seconde Révolution et avant le Second Empire, ce sont les bals. Et ça se prolonge au début du Second Empire. Et là, les grandes courtisanes sont des grandes danseuses. C'est Céleste Bogador, c'est Rose Pompon, c'est Rigole Boche. Coup de théâtre, si je puis dire, dans les années 70, c'est effectivement le théâtre, même sous des formes un peu différentes, qui reprend le devant de la scène par rapport aux autres loisirs parisiens. Et là, les grandes courtisanes, demi-mondaines, ce sont Hortense Schneider, la reine de l'opérette, grande interprète d'Offenbach, c'est Léonide Leblanc, je pourrais vous citer quantité de noms d'actrices, c'est Sarah Bernhardt, effectivement. Et à la fin du siècle, c'est le café-concert qui prend la place, c'est le music-hall. Et là, on voit des grandes courtisanes qui sont aussi des danseuses. C'est Cléo de Mérode, c'est la belle Otero, et qui font des spectacles, j'allais dire, de fantaisie. Émilienne d'Alençon et ses lapins blancs. Et donc la fréquentation des courtisanes est un loisir. Et à ce titre-là, il a ses modes et il s'imbrique dans la vie parisienne et les loisirs de cette société. Remarque donc l'orchestre. Rien que des bourgeois avec leurs femmes et leurs enfants. De bonnes têtes stupides qui viennent pour voir. Aux loges, des boulevardiers, quelques artistes, quelques filles de demi-choix, et derrière nous, le plus drôle mélange qui soit dans Paris. Quels sont ces hommes ? Observe-les. Il y a de tout, de toutes les professions et de toutes les castes, mais la crapule domine. Voici des employés, employés de banque, de magasins, de ministères, des reporters, des souteneurs, des officiants bourgeois, des gommeux en habit qui viennent de dîner au cabaret, qui sortent de l'opéra avant d'entrer aux Italiens. Et puis encore, tout un monde d'hommes suspects qui défient l'analyse. Quant aux femmes, rien qu'une marque. La soupeuse de l'Américain, la fille à un ou deux louis, qui guette l'étranger de Saint-Louis et prévient ses habitués quand elle est libre. On les connaît toutes depuis 10 ans. On les voit tous les soirs, toute l'année, aux mêmes endroits, sauf quand elles font une station hygiénique à Saint-Lazare ou à Lourcine. Bellamy, Guy de Maupassant. Lola Gonzalez, peut-être pour conclure cette promenade dans le Paris prostitutionnel du 19e, vous êtes partie aussi de cette problématique du tourisme. Effectivement, on peut véritablement parler de tourisme sexuel en ce qui concerne l'activité prostitutionnelle de la capitale. Et c'est de plus en plus fort au fur et à mesure du 19e siècle. On le voit très bien avec effectivement la publication de guides touristiques qui sont clairement des guides de tourisme sexuel, en sachant qu'ils évoquent souvent les mêmes lieux que les guides classiques, mais laissent peu de doutes quant à la fréquentation des théâtres ou des bals, par exemple, par les prostituées, et n'hésitent pas à indiquer quels sont les tarifs des prostituées parisiennes, à rappeler qu'il vaut mieux laisser son argent à l'hôtel, surtout si on a prévu de boire en soirée en bonne compagnie, il vaut mieux être prudent, et des guides qui sont publiés en langue étrangère. Il est très clair que l'activité prostitutionnelle à Paris est tellement importante qu'elle ne peut pas uniquement concerner des Parisiens. Et elle est tellement liée au loisir qu'on voit très bien qu'une partie de cette activité est dédiée à des hommes qui vont à Paris pour ça, qui sont de passage, et que ça fait partie des plaisirs qu'un homme et qu'un touriste du 19e siècle attend de Paris. Merci à Lola Gonzalez pour cette promenade radiophonique dans le Paris prostitutionnel du 19e siècle. Texte lu par Daniel Koenigsberg. Prise de son, Yves Lehors. Mixage, Éric Boisset. Une émission proposée par Séverine Yattard et Séverine Cassard. À propos du restaurant bar Tabarin à Pigalle, guide des plaisirs à Paris, 1908. C'est là que nous avons le plaisir de rencontrer souvent des princes, et même des altesses, en compagnie de toutes nos beautés artistiques et mondaines. Les Otero, les Liane de Pougy, les Émilienne d'Alençon, les Jeanne d'Herval, les Irma de Montigny et tutti quanti. La Jaunie, son habile propriétaire, ayant su par son amabilité et par la tenue irréprochable de son établissement attirer une clientèle qui jusque-là n'osait pas venir à Montmartre pour souper, craignant de ne pas y trouver le luxe, le confort, les plats et la cave des restaurants du boulevard. Visiteurs de Montmartre, français et étrangers, vous ne pouvez manquer une plus belle occasion de vous initier à la haute vie parisienne. Demain, nous allons visiter l'exposition qui se tient au musée d'Orsay, Splendeur et misère, images de la prostitution en compagnie de Marie Robert et Isolde Pludermacher, qui sont les deux commissaires de cette exposition. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours et la télécharger dans l'année qui suit sa diffusion.